Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Radioactive et aujourd'hui dans le mag, eh bien on va parler nature, jardin et printemps avec un événement qui est devenu un incontournable dans la région. Le château de la Bourdésière à Montgouy-sur-Loire organise les 4, 5 et 6 avril prochains la 30e édition de la fête des plantes et du printemps. Un week-end qui rassemble chaque année des milliers de visiteurs autour du jardin, de la biodiversité et du célèbre Conservatoire National de la Tomate. Et pour nous présenter cette édition anniversaire, nous recevons quelqu'un que les auditeurs de Radioactive connaissent bien, puisqu'il vient régulièrement sur notre antenne, c'est Cyril Braillet-Lécureuil, directeur du château de la Bourdésière. Bonjour Cyril. Bonjour. Cette fête des plantes fête donc cette année ses 30 ans, un bien bel anniversaire qui se profile. Exactement. Évidemment. Qu'est-ce que représente cet événement aujourd'hui pour le château et pour le territoire plus largement ? Alors pour le château, si on parle bassement, matériellement, c'est l'ouverture de la saison tout simplement. Après, c'est vraiment l'identité du château. Son conservatoire de la tomate, c'est orienté vers la biodiversité, comme le conservatoire du dahlia, comme nos cottages en bois, comme tout ce qu'on fait, toutes nos activités qui sont sous-tendues par un triptyque nature, art, éducation. Et donc ce festival, c'est le premier qui a été créé au château de la Bourdésière. Donc c'est quand même très important pour nous. Il y a 30 ans maintenant, enfin un peu plus parce qu'il y a eu deux éditions avec le Covid qui n'ont pas pu se tenir, mais disons c'est le 30e anniversaire quand même. Et donc c'est vraiment quelque chose de très important pour nous, mais aussi dans la vie locale. Beaucoup des Tourangeaux nous en parlent, nous demandent quand ça va avoir lieu, attendent pour avoir leurs plants de tomates, pour venir faire leurs premières emplettes. Et c'est souvent aussi les premiers beaux jours. Alors cette année, on a été gâtés, on a eu du soleil un peu plus tôt, mais c'est souvent les premiers beaux jours et c'est l'occasion de ressortir un peu dehors après des semaines, voire des mois un peu plus gris. C'est clair. Alors vous évoquez justement le fait que c'est le premier festival, parce qu'il y a bien d'autres rendez-vous tout au long de l'année au château de la Bourdésière, on peut les évoquer. Alors il y a trois rendez-vous, on va dire trois rendez-vous majeurs, qui sont donc la fête des plantes à Pâques, le festival de la tomate qui a lieu le deuxième week-end de septembre, puis le festival du bois et de la forêt qui a lieu le troisième week-end d'octobre. Et au milieu de tout ça, tout au long de l'année, on aura l'exposition d'Erol, leçon d'anatomie, qui s'adresse à tous, hein, aux enfants. On a aussi bien des écoles maternelles que des écoles de kinésithérapeutes qui viennent visiter. Tout le monde y trouve son intérêt, sans doute pas pour les mêmes raisons, enfin je suppose. Mais donc ça, c'est ouvert du 9 avril jusqu'à la fin octobre. Puis une expo évolutive, on peut le dire aussi, parce que voilà, si on l'a déjà vu il y a 2 ans, on peut quand même y retourner. Exactement, puisque chaque année, on modifie un petit peu le thème. Donc on a eu l'intelligence artificielle l'an passé. Oui. On aura la santé mentale, le bien-être au travail et l'équilibre alimentaire cette année. Voilà, on retrouve les bases, mais avec beaucoup de petites modifications, de changements, des cabinets de curiosité qui évoluent. Oui. Donc c'est une nouveauté à chaque fois, en fait. Sur cette 30e édition de la fête des plantes et du printemps, évidemment, cette année encore, vous allez accueillir de nombreux exposants, horticulteurs et passionnés de jardin. Quel type de découverte est-ce qu'on va pouvoir faire cette année ? Alors, une des découvertes, alors ils étaient là l'an passé, mais cette année, ils vont être encore plus présents. Ça va être l'association qui s'occupe des bonsaïs, qui va permettre à tout le monde de venir s'informer auprès des amateurs de bonsaï qui seront là tous les après-midi à 16h, il me semble-t-il, mais le programme est à vérifier sur notre site internet, pour parler de la culture, j'allais dire, de bonsaï. D'autre part, bien sûr, vous aurez graines de troc, qui sont ceux qui viennent récolter nos graines de tomates, oui, qui seront là aussi pour faire des petites animations tout au long de l'événement. On aura quelqu'un de très connu dans la région au niveau des jardins, qui est Alix de Saint-Venant, qui est la propriétaire du château de Valmer, qui viendra aussi intervenir. Alors je crois que c'est le dimanche, t'as vérifié, mais je crois que c'est le dimanche. Et puis Nicolas, notre chef jardinier, évidemment, sera là pour parler avec tout le monde de jardin, de comment on entretient ses tomates, comment on les fait pousser, pas seulement les tomates, mais entre autres les tomates, bien évidemment, qui est notre spécialité. Et donc, beaucoup d'autres pépiniéristes, comme vous l'avez dit, seront là. Donc c'est l'occasion d'échanger et de découvrir des nouvelles choses au cours de ce week-end. Alors la Bourdésière, comme vous le disiez, est connue pour son Conservatoire National de la Tomate, qui rassemble près de 800 variétés. C'est bien ça, 785 variétés, en tout cas l'an passé. On va voir cette année si on reste à 785 ou on monte un tout petit peu, je ne sais pas. Mais ça restera autour de 785. Ce sera l'occasion ce week-end-là d'acheter ses plants de tomates, puisqu'on vend 50 plants de variétés différentes. Donc là, ils seront bientôt en ligne, la liste, pour ceux qui veulent s'informer. Mais on ne peut pas les acheter à l'avance. Il faut vraiment venir lors de la manifestation pour récupérer ces plants. Derrière tout ça, il y a aussi la vision de Louis-Albert de Broglie, qu'on surnomme parfois le prince jardinier. C'est quoi sa philosophie ? Alors déjà, on dit Louis-Albert de Broglie, même si ça s'écrit de Broglie. Ok, merci. Non, merci. C'est une famille d'origine italienne, mais ils ont francisé un peu la prononciation du nom. Ce qui est amusant, c'est qu'ils ont un château à Broglie, en Normandie. Et là, on dit Broglie, étonnamment. Mais bon. Donc, Louis-Albert de Broglie, c'est un amoureux des jardins, donc le prince jardinier. Il est très intéressé par la biodiversité. C'est un écologiste très, très naturel, on va dire. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'écologie politique, pas du tout. Hein. On n'est pas des donneurs de leçons. On cherche juste à sensibiliser les gens, que ce soit à la culture de son jardin, que ce soit à la forêt haute, c'est à prendre plaisir, à partager dans la nature. Interdire les gens à prendre l'avion, la voiture, c'est pas notre credo du tout. Nous, on est plus dans profiter de la nature, cultiver vos propres légumes, reposez-vous dans la nature, détendez-vous dans la nature. C'est vraiment là qu'est le cœur de cible de Louis-Albert de Broglie. Et puis tout à fait à l'image de l'expo d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est ça. Oui. Et là, on construit des cottages en bois aussi pour que les gens puissent, dans un bosquet nourricier, donc entouré d'arbres, donc où les gens pourront venir le week-end profiter de cette nature. D'ailleurs, cette année, à l'occasion des 30e anniversaire de la manifestation, on va aussi lancer un club enfant. Alors, c'est pas un club enfant, c'est pas la garderie, hein, c'est pas du tout l'idée. Mais ça va être de proposer à des enfants qui vont venir, entre autres, à la chasse aux œufs, parce qu'on sera à Pâques. Donc, on aura deux grandes chasses aux œufs. J'allais vous poser la question juste après. Comme toujours, on a une chasse aux œufs pour les petits, hein, de 4 et 5 ans. Puis, on a une chasse aux œufs familiale. Dans les deux cas, il faut s'inscrire. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Ça ouvrira dans une semaine environ. Mais n'hésitez pas à venir vous inscrire. Et donc, c'est vraiment un moment où on retrouve beaucoup d'enfants, où c'est une fête. Les chasses aux œufs sont gratuites pour les enfants. Et donc, lorsque les gens vont venir à cette chasse aux œufs, on leur expliquera ce nouveau concept de club enfant. En fait, c'est de réunir les enfants sous une petite appartenance à un club un peu nature qui leur proposera plein d'activités tout au long de l'année, plutôt lors des vacances scolaires, des activités qui peuvent être du land art, donc de l'art à travers tout ce qu'on peut trouver dans la forêt, qui peuvent être les balades comptées comme on le fait au Festival du Bois, qui peuvent être de la cuisine, qui peuvent être du jardinage. Du sport aussi. Les petites empreintes d'animaux de la forêt. Alors, voilà, on va faire plein d'activités au cours de l'année. Comme ça, on aura tous ces enfants à qui on proposera ces activités, qui pourront venir ou ne pas venir. Tous les nouveaux membres du club recevront une invitation gratuite pour venir visiter l'exposition. Une petite carte personnalisée. Voilà, l'idée, c'est vraiment, là encore, d'inciter les enfants à s'intéresser à la nature et donc de créer ce petit club où on aura une envie d'appartenir, on recevra une petite newsletter avec des jeux sur la nature, avec toutes ces choses-là. Donc voilà, c'est une des nouveautés qu'on va lancer lors de ce 30e anniversaire. Super idée. Pendant ces 3 jours, il n'y aura pas que des stands, hein, vous l'avez dit, il y aura aussi des démonstrations de jardinage, des conférences, des ateliers. Est-ce qu'on peut avoir quelques échantillons de ce qui va être proposé? Alors, comme je disais tout à l'heure, l'idée sur les conférences, c'est à la fois de montrer quelque chose d'instructif pour les gens et de partager avec nos amis locaux. Donc c'est vrai que Alix de Saint-Venant qui sera présente, vous pourrez retrouver le thème exact de ce que présentera Alix, parce que je vous avoue que je ne l'ai pas en tête. Vous aurez Sébastien de Graines de Troc qui viendra lui aussi, je vous l'ai dit, qui collecte nos graines, qui viendra lui aussi faire une conférence. Donc le premier jour ce sera Sébastien, le samedi, le dimanche ce sera Alix, et le lundi ce sera Nicolas, notre chef jardinier, qui viendra lui aussi faire des... C'est une conférence, mais c'est plus des questions-réponses en fait. L'idée c'est d'échanger avec des passionnés, des amoureux de jardin, que ce soit ceux qui sont les conférenciers ou ceux qui assistent. C'est vraiment souvent des amateurs ou des passionnés, mais l'idée c'est de pouvoir échanger et de poser des questions à la fois pratiques pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, et des questions plus spécifiques pour ceux qui sont vraiment des amateurs. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un tel engouement du public depuis toutes ces années sur ces différentes fêtes d'ailleurs que vous proposez? Alors, l'ancienneté de la fête, parce qu'elle est inscrite dans le patrimoine local, on va dire. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est à la mode. Il y a 10-15 ans, les jeunes et le jardinage, c'était plutôt ringard. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose où tout le monde est sensibilisé. On aime l'écologie, même si on n'est pas fan. On veut avoir son petit bout de potager, cultiver ses propres tomates ou autre chose. Et donc, c'est vraiment une thématique qui revient. D'ailleurs, on le voit dans les gens qui viennent. Il y a quelques années, moi, je m'étais imaginé un festival des plantes. C'est que des personnes de mon âge ou plus, donc un peu âgés. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que, ben non, on a beaucoup de jeunes de 20, 25 ans. En plus, on a les chasses aux œufs, donc ce qui fait que ça mélange les générations. Et on a des gens qui viennent pour la chasse aux œufs, il faut être honnête. Hein. Et puis, comme ils ont payé l'entrée, les adultes, les enfants non, mais les adultes, ils se disent, ben finalement, on va faire un petit tour. Et c'est l'idée, en fait, quand on fait ce genre de manifestation. L'idée, c'est ça, c'est qu'ils fassent aussi, qu'ils en profitent pour découvrir la nature au travers de leur venue à la chasse aux œufs. Puis c'est vrai que ça permet d'accéder aussi à ce parc, à ce domaine qui est tout bonnement magnifique. Alors là, on est gâtés, on a un parc de 70 hectares. Hein. On a donc le Conservatoire National de la Tomate, le Conservatoire National du Dahlia, des arbres remarquables. On peut s'y balader, on peut faire jusqu'à 10 km sans repasser par le même chemin. Donc c'est vraiment un endroit qui est à la fois reposant et où on peut s'émerveiller assez facilement. Plus dans l'exposition, on déroule le son d'anatomie à un endroit où on représente le poumon et c'est un grand filet. Les gens peuvent s'allonger, oui, contempler la canopée. J'ai testé, vraiment... moi, le filet. Génial. Il y a aussi la petite école. Hein. Voilà, il y a l'école de la nature qui est aussi une des choses que l'on veut développer avec les écoles des environs qui viennent pour certains déjà visiter l'exposition, mais qui en profitent aussi pour faire une journée où là, ils font un peu l'école dehors, qui est quelque chose à la mode. Hein. Je sais que l'école Ambroise Paré à Amboise le fait, entre autres, mais c'est vrai que c'est important pour nous de sensibiliser les jeunes. Bon, ils sont déjà beaucoup plus sensibilisés à l'écologie qu'on l'était il y a quelques générations. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est bien de leur remontrer la nature, de montrer que les écrans d'ordinateur, c'est sympa, mais qu'on peut prendre du plaisir à être dehors, à jouer dehors, à créer. Et c'est vrai que tout ce qui peut toucher à la nature, au bien-être, que ce soit au travers de notre exposition, au travers du sport, au travers des arts martiaux, au travers de plein de choses, c'est vrai que c'est des choses qui résonnent en nous sur la notion de bien-être, parce qu'on s'aperçoit vite que quand on va se ressourcer un peu dans la nature, tout ne s'arrange pas en quelques secondes, mais on se sent déjà un peu mieux. Vous prêchez une convaincue. Et puis peut-être qu'avec un petit peu de chance, les visiteurs qui choisissent la bonne date auront pour guide le prince Louis-Albert de Broglie. Alors lui, il sera là, c'est sûr, c'est un passionné, il adore rencontrer les gens en plus. Donc évidemment, il sera présent. Après, je ne vous garantis pas que tout le monde aura l'occasion de le croiser ou de lui parler. Mais c'est vrai que lui, c'est vraiment un passionné. Et tout ce qu'on essaye de faire autour de la Bourdaisière, c'est... Il y a une activité bien sûr économique puisqu'on est un hôtel, mais au-delà de ça, on a une activité plus sociétale où on essaye d'accueillir des associations de Mont-Louis, beaucoup de la communauté autour de Mont-Louis, mais on peut avoir des gens de plus loin, d'un peu plus d'Amboise ou autre, où on essaye, au-delà de côté économique, de les accueillir gratuitement, les associations, pour faire des choses avec. Donc tout ce qui peut toucher, on a fait de l'inclusion par le sport, on a fait plein de choses. C'est vrai que c'est aussi dans notre ADN d'avoir un gros engagement sociétal. Et on vous remercie de venir en parler régulièrement sur Radioactive, d'ailleurs, Cyril. Ah, mais j'adore venir chez vous. Il va bientôt avoir sa chronique, c'est la spéciale Bourdaisière. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu aujourd'hui nous parler de cette 30e édition de la Fête des Plantes et du Printemps qui aura lieu donc au Château de la Bourdaisière, les 4, 5 et 6 avril. C'est à Mont-Louis, faut-il le rappeler. Donc, 3 jours dédiés au jardin, à la biodiversité, au plaisir du printemps. Et donc, on peut retrouver toutes les informations sur le site du Château de la Bourdaisière. Exactement, et on pourra se restaurer sur place pour ceux qui veulent rester toute la journée. Ah oui, parce on n'en a pas parlé, on mange quoi? Alors, il y aura ce qu'on appelle une formule traiteur où il y aura 3 plats. Et puis, vous aurez une buvette pour ceux qui veulent quelque chose de plus simple. Mais l'idée, c'est surtout de profiter, surtout s'il fait beau. Souvent, les gens disent « Ah, on est venu un peu tard ». Prenez le temps, prenez une bonne partie de la journée simplement pour vous balader, pour vous ressourcer là et profiter de la nature, surtout s'il fait beau. Merci Cyril. Eh bien, merci beaucoup. À très bientôt sur Radioactive pour les prochaines activités. Elles sont nombreuses, organisées par le Château de la Bourdaisière. Et vous pourrez retrouver ce podcast sur notre site internet www.radioactive.fr et également sur la page Facebook. Et merci, à très bientôt et très belle fête des plantes et du printemps. Merci, à bientôt. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.